j'ai pas changé, je suis le même, je reste avec tous mes carnalitos. Tu peux me trouver à la place en train d'écrire dans une Clio. Je reste à la vie toujours, je regarde pourquoi ça crie. Soit que ça c'est pas où tu sais, alors je fais un gros trio. Fils de pute, fais gaffe, toi ça fait esprit, tu donnes des tuyaux. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu fais pleurer, madre mia. Mamma mia, dans la zone ça traîne, nous dit. Lâche pas une voix, on sera où tu es. Appelle-moi Enrico, sur toi je vais l'hélico. Despacito, despacito, les petits dépôts t'as. C'est un peu mécanicien. Moi ça m'a dit que c'est comme si t'enlevais les balles au drogue au galicien. Big up tous mes voleurs qui font courir sergent Garcin. 35 c'est pas de couteau calibre. C'est arrêté de faire dans Marcel. C'est plein de salade, tu que ça me salit. Je sais que ça l'ouvre, je sais que ça se laisse. Ça me dit que ça me love, mais quand même je trouve ça louche. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le brico. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Ça dit, ça me chasse, les gens, je connais même pas l'organage. Drôle de manège, ça se croit invincible. Grâce à ski, sur la neige, je suis quartier en TDM, en lambeau, même ma patte. Je t'en fais dur, là si je veux, je m'achète mon billet sur Mars. Mamacita, mamacita, ce soir je vais pas rentrer sito. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalito. Mamacita, mamacita, ce soir je vais pas rentrer sito. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalito. Viens voir, je m'en sature. Viens voir, je m'en sature. Viens voir, je m'en sature. La crise dans des pépins versatiles. Moi j'ai pas la patience, moi j'ai pas la patience. Tes manières ça n'a pas de sens. Ça jalouse de moi fort, ça veut me jeter le mauvais sort. Moi j'suis un mauvais oeil quand j'suis dans le merco compresseur. T'es l'élève, j'suis le professeur et j'sais que si tu travailles plus que moi, tu peux être le patron, ton salaire ça j'traîne avec moi. Mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et de platine sur le trico. J'traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Partes. Enrico no está en Los Ángeles. Encuentra esa mierda de gringo, vivo o muerto. Tu cherches quoi quand j'ai midi. Quoi? Je cherche midi, il est pas là. Ah, tranquille, tranquille, frère, je le connais, c'est ça. Alors, ça va quoi? Tranquille ou quoi? Ça va, ça va. Il est pas là midi? Bah, il est loin le musée. Ah ouais? Et ouais, il est loin. Ah, vas-y, la prochaine, toi. Le train numéro 724. Mi amigo, tu te la pètes à croire que tu vis à mi amigo. Calcule plus à vie, gros. J't'en veux, mi amigo. On s'aime bien, mais on s'parle plus, mais c'est la vie, gros. J'ai des asics, mais j'habite pas loin du racisme. Un bail, hein. Ça fait longtemps, hein. 2 ans. J'étais où pendant 2 ans? Je sais pas ce que j'ai bu, hein. Je suis débrouillé. On avance, hein. Avec ou sans les gens. Ah ouais, je déconne quand je picole. Et je pense à toi, amigo, que je rigole, ça t'étonne. Mais j'allouche pas de ma vie, quand on se connaît depuis l'école. La garde à les heures de colle, les premiers délits, nos premiers délires. Les premières parles, les vers d'un seul. Si nos problèmes, il serait temps de trouver la solution. Qui fera le premier pas pour parler, alors prendre la bonne résolution. J'ai tourné sans personne, je peux plus voir tes gains. Le bout du ni. Mais tout ça on me l'avait dit. J'aurais été bizarre. Je pense qu'on me l'aurait dit. Amigo, tu t'appelles, à quoi tu vis à Miami, go. Calcule plus à Vito, j't'en veux Miami, go. On s'aime bien mais on se parle plus, ben c'est la vie, go. J'y vais à Zik, si j'habite pas loin du Hasigo. Hasigo. Ouais chaleur, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, qu'est-ce qui tracasse? Faut qu'on parle tant ça passe. Ouh, ouais mon amigo, j'suis tendu au micro. Tu m'as appelé au mytho, tu m'as zappé, ouais plutôt. Rentrant sous grosse mission, il est naquette, le guidon. Claquette, Nike, pas Louis Vuitton. Amigo, j'ai les frissons, toi tu fais le mal. Après tu songes sur moi, tu dis des mensonges. J'ai beaucoup bu, et là j'pense, faut qu'on se voie et c'est ce que j'pense. Mi amigo, tu t'appelles, à quoi tu vis à mi amigo. Calcule plus à Vico, j't'en veux mi amigo. On s'aime bien, mais on s'parle plus, ben c'est la vie, go. J'ai mes asics, si j'habite pas loin du Hasigo. Hasigo. J'ai été en guerre pendant 2 ans. J'avais pas le choix, je pouvais pas faire autrement. 2 ans c'est long, j'ai laissé énorme chez moi. J'ai pris tout sur moi. J'ai fait toutes les erreurs. l'ai vue maquillée, je l'ai même vue au naturel. Elle me perturbe quand je la regarde, elle est sûre d'elle. Regarde personne, dis-moi c'est quoi cette beauté. Non, moi c'est pas elle qui se monte, c'est celle d'à côté. À force de courir derrière elle, j'ai un coin de côté. Elle connaît pas d'où elle croit que j'ai qu'un point de côté. J'ai bu son corps dans mes yeux toute la journée. Je vais prendre son cœur, messieurs, je vais vous dormir. Tu m'as la tiraille, lobby. Alors je garde pour moi, mais t'as pas à t'en faire, cela peut pas, je suis pas le vibe. I love you, I love you.